accouru vers le quart pour ne pas être en retard, persuadé que sa vie commençait vraiment aujourd'hui. J'ai dit qu'elle s'emballait trop, c'était qu'une séance photo pour les filles qui sont trop belles. Le monde est parfois si cruel. Norma Jean, les rêves qui t'animent, t'affiche à la une des magazines. Cours vers ton idéal, surtout suis bien la bonne étoile. Que pourrais-je t'offrir? Tu veux t'en réussir, quitte à faire des choix qui font souffrir. Elle parlait encore une fois de carrière au cinéma, ne doutant pas un instant qu'un jour on louerait son talent. Norma Jean, déjà t'imagines ton premier film en tant qu'héroïne, mais n'espère pas quand même voir ton nom sur le Walk of Fame. Norma Jean, teinte en blonde platine, tu parais tellement féminine. Tu peux faire des ravages, même auprès des hommes les plus sages. Je t'en prie, méfie-toi, t'es naïve si tu crois que tu peux trouver l'amour comme ça. Elle est montée dans le car en disant juste au revoir. Quelque chose au fond de moi savait qu'elle ne reviendrait pas. Norma Jean, tes yeux s'illuminent, depuis toujours ce monde te fascine. Tant pis si les néons brûlent les ailes des papillons. Norma Jean, deviens Marilyn pour vivre les rêves qui t'animent. Cours vers ton idéal, scintiller parmi les étoiles.